pas de Moïc parce que tu m'as vu manger. Comment, comment ça? Finis les machos. Je vais finir par me sauver. Je ne suis pas un lover. Passe un bon été avec le son de Skyrock. Des magiques India. Allez. Lève la main. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui. Et qu'il avait trop de style. Et qu'il vendait du Rival Lady. Et pour lui, personne se faisait le pire. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tildé la guerre. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Ça n'est pas, mais je garde le meilleur. Oui, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les OH passent. La la la la la. Meilleur. Ok. On a fait chanter Fred aussi, ça c'est. Ouais, mais c'est bien comme ça, on va arrêter les conneries. Planet Rap te souhaite de bonnes vacances avec Skyrock. Passez une bonne soirée, le best-of Planet Rap toute cette saison à revivre entre 20h et 21h cette semaine. Et puis il vient d'arriver à 20h pile dans le studio. Thomas Njijol qui est là avec nous, comment ça va Thomas? Très bien, ça va très bien. Bon, j'ai en pleine forme. Face à moi, j'allais dire un mec qui n'en peut plus, qui est en tournée promo. Ouais. Depuis combien de temps maintenant? Ah, depuis un petit mois, gentiment. Bon, le film arrive demain en même temps. Exactement. Un soulagement. Ouais, un soulagement, hâte, envie que les gens y le voient. C'est un mélange de tout plein de choses. C'est le premier film, donc voilà. Bah, c'est le premier film que tu réalises, que tu as écrit. Ouais. Enfin, j'avais co-réalisé Casse Départ, mais là, c'est un film, on va dire, où je suis tout seul. Tout seul, hein. Et donc, ouais, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle page. Donc, c'est assez important. Bon, il est dément le film. Je dis pas ça parce que t'es là, mais c'est vrai. Je pense sincèrement, c'est un film. Merci. Évidemment, c'est de la comédie. Vous allez passer un super bon moment pendant une heure et demie. Et en plus, il y a un côté, c'est vrai, super touchant chez ce personnage. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux. Figure-toi qu'après depuis un mois, un petit peu plus qu'au début. Au début, je ramais un peu, mais là, maintenant, ça va mieux. Là, non, Fast Life, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Franklin, donc, qui est omnibulé par l'envie de briller, l'envie d'en être, d'où l'expression un peu reprise de bling-bling, quelque part. Donc, c'est Franklin Ebangé. Qui justement est un athlète de haut niveau et qui se refuse, enfin, un peu fatigué sur la fin, qui se réfugie un peu derrière sa pseudo-carrière pour ne pas devenir vraiment un homme, en fait. Tu vois, c'est un mec qui se trompe de parcours, on va dire. C'est au lieu d'être un homme, il choisit de se réfugié dans tous ses délires, ses fantasmes qu'il a dans la tête de hip-hop, de machin, de tout ça, au lieu d'être un homme. Ouais, il est en train de vivre un autre truc. Ouais. Et il lâche pas l'affaire, il se dit qu'il est toujours le meilleur. Voilà, il se dit qu'il est au top. Qu'il est au top, ouais, c'est ça. Il est au top du swag, comme il dit, c'est bien, voilà, à tous les niveaux, il veut en être, et il pourrait un peu la vie de son entourage, à commencer par celui de sa femme. Est-ce qu'on a, nous, la bande-annonce, tu l'as de côté, tiens, on va écouter pour vous donner un aperçu de ce que ça donne Fast Life. Écoutez bien le son de la bande-annonce de Fast Life. Je suis Franklin Ebangé. Je suis né pour briller. Je vais beaucoup trop vite pour vous et je sais que ça en gêne plus d'un. Mais Dieu a un projet pour moi et personne ne pourra m'arrêter. Laissez passer l'artiste. Yeah ! Oh non. Vous êtes disqualifié pour faux départ. Ça va, on est tous là pour l'amour du sport. Ok, allez, on s'y remet les gars. Attends, t'as encore acheté une paire de baskets là ? Pas des baskets, c'est des Jordan 6, 91. Top du swag. Qu'est-ce que t'as pour moi là mon pote? C'est du Adidas, du Nike. C'est combien? Je vais pas faire durer plus longtemps le suspense. C'est quoi ça? Ton avenir. Je sais que t'espérais un gros équipementier, mais la liste est très courte. Je suis combien sur la liste? Mais tu n'es pas sur la liste. Je prends une photo vite fait. Easy life. Non, parce que je suis en mode vidéo là. Ils vont tous bien subir le retour de Franklin. Je serai prêt pour les Jeux Olympiques. D'accord, écoutez, on est content de l'apprendre, Franklin, même si on n'avait pas posé la question. On est là pour bosser, là. Alors la télé, le show business, pas maintenant. C'est pas pour des pauvres sites internet à 2 balles. On travaille pour Canal+, monsieur. Ouais, alors, j'ai le décodeur, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça, c'est vrai que c'est une belle fille, mais... Mais grave, tu comprends pourquoi j'ai craqué? Elle est mineure, Franklin. De toute façon, c'est toujours de ma faute, alors. Voilà, c'est la bande-annonce de Fast Life. Voilà. C'est bien avec les images aussi. Hein. Ouais, c'est même plus fort avec les images. Et un truc, mais bon, là, c'était histoire de remémorer un peu l'univers Fast Life au niveau radiophonique. Toi, ça fait un moment que t'es sur ce film ou pas? Depuis l'écriture, depuis la naissance. Ça fait un film, c'est 2 ans, quoi. 2-3 ans, même, on va dire. Hein, parce qu'il a été tourné l'année dernière. Donc après, il y a toutes les... partie de montage et tout, mais bon, il y a quasiment plus d'un an d'écriture quelque part. C'est pas après pas d'écriture intense, mais t'écris, tu t'arrêtes, tu vis, tu vois, c'est tout un tas de choses, mais c'est un long processus le cinéma, c'est clair. Donc Franklin, il naît quand dans ta tête? C'est quoi? C'est un article? C'est parce qu'on a l'impression que c'est plein de personnages aussi. Ouais, Franklin. C'est plein. En fait, Franklin, c'est un mélange. C'est marrant parce que voilà, quelque part, on est à Skyrock, donc c'est clairement un mec hip-hop. Franklin, ça pourrait être un rappeur quelque part, tu vois. Ça pourrait être... Il y a beaucoup de références, il y a évidemment du sportif. Bah, c'est un mec qui fantasme de toute manière. C'est pour ça qu'il y a le personnage de Caris, même pas le personnage. Caris joue son propre rôle. Mais c'est vrai que quand il est en contact avec ce genre de mec, il se la joue un peu, je sais pas, strict ou je sais pas quoi, mais tout le monde sait que, enfin, intérieurement, quand on voit le film, on sait que c'est un peu du flan. Mais voilà, ce mec, il y a une part de moi. J'ai passé aussi des périodes où tu y crois un petit peu aussi, tu vois. Il y a un peu de sportif. C'est un peu générationnel, c'est un peu un mot de notre génération de vouloir un peu trop en être et pas être, on va dire, des vrais hommes, quoi, des vrais bonhommes. Voilà, il s'appelle Franklin Ebagué, le personnage du film que tu joues d'ailleurs. Ouais. On peut citer aussi, donc il y a Caris, tu disais, qui joue son propre rôle. Exactement. Avec Thérapie aussi, qui était très discret. Très discret, qui a fait un très bon rôle de muet. Voilà, comme c'est Jean Reynaud dans Léon. Mais c'est ça. Donc c'est ça, ouais, Thérapie, voilà. Voilà, Thérapie. Dans la lignée des Jean Reynaud, t'as raison. Exactement, voilà. Thérapie, Caris, Carole Rocher. Carole Rocher qui est dans Julien Boisselier, Olivier Marchal qui est assez fabuleux aussi. Ouais, Olivier, là, il a, pour ceux qui le remettent pas, Olivier Marchal, c'est Monsieur 36 qui est des Orfèvres, Les Lyonnais. Bah, il est réalisé, avant, il était flic dans une autre vie. Il était flic, il est devenu comédien, il est passé à la réalisation avec quand même pas mal de réussite, pas mal de succès surtout. Et franchement, sur ce film, il est un peu inattendu, quoi. Pour moi, c'est un peu, pas dire la découverte parce qu'il a du métier. Mais personne ne l'attendait là et je suis assez fier de moi en tant que réal pour le coup avoir dirigé un mec et de l'avoir amené dans ce délire là. Bon, il est dans le poulet toujours, il y a le clin d'œil. Voilà, toujours dans le poulet. Vous comprendrez en voyant le film parce qu'on va pas tout dévoiler non plus. Voilà, on voit pas trop. Mais en même temps, c'est un peu dans la bande-annonce. Donc les gens le voient. Bon, il y a tout un tas d'histoires. J'ai proposé dans un instant, on va faire un petit blind test. Ouais. Un auditeur de Skyrock contre toi sur des extraits musicaux. Vas-y. Alors, je suis intraitable. On va voir si t'es calé. C'est vrai que tu rappes aussi, hein. Rigoler, si tu veux faire, il y a le freestyle par téléphone, si tu veux le faire. Non, tu iras dans la cabine à côté. C'est que je suis là aujourd'hui, mais je veux pas faire comme si c'était banal, hein. Tu sais, moi, je t'écoute depuis que je suis tout jeune. Et voilà, tu vois, à un moment donné, les freestyles, j'en ai fait dans ma chambre, hein. Mais bon, j'ai jamais osé franchir le cap de la chambre. Jamais percé. Non. Là-dessus en freestyle, hein, je sais pas. Non. Je laisse les pros faire du rap. Moi, je suis passé à autre chose. Allez, vos messages aussi, vous les envoyez pour Thomas Gijol qui est là avec nous. Le film sort demain. Il s'appelle Fast Life, à pas louper. Inscrivez-vous. Tiens, d'ailleurs, pour le petit blind test qu'on fera avec Thomas dans un instant, si vous voulez défier Thomas. Ouais. Un petit message. Moi, je promets d'avance que je ne perdrai pas. Mais généralement, dans le rap, tu dis, de toute façon, je suis le plus fort, je peux tout niquer, donc. Non, en cinéma, c'est différent. J'ai jamais vu Jean Dujardin, tu vois, dire, toi, j'ai l'Oscar, nique sa mère, les autres, c'est pas. Tu vois, il n'y a pas ce côté booba, en fait. Écoute, peut-être pour toi, dans un an, quand tu seras au César, en disant, de toute façon, ça serait le début du nouvel ère. Le gangsta comédien, le gangsta César, quoi. Voilà, gangsta César. Il y a un truc peut-être à percer. Allez-y, 41-759, tu parlais de Caris. Tiens, Caris, il est passé durant cette saison 2013-2014. Bah ouais. On s'en souvient, dans le studio de Planète Rap. T'as gardé le micro d'ailleurs, c'est le micro. Ouais, je le sens que Caris est passé avant moi sur ce micro. Il était là, il y a quelque chose. Et tu as peut-être loupé son live de Jbibi. Non, j'ai vu sur Internet. Ah, tu l'as vu sur Internet? J'ai vu sur Internet, parce qu'on en parlait tellement du live de Jbibi que je me suis dit, il faut quand même que j'aille le voir. Et je l'ai vu, et il m'a une fois de plus prouvé que c'est un très bon rappeur. Et bon, on va réécouter ce moment-là maintenant. C'était durant cette saison 2013-2014 de Planète Rap. Caris, Jbibi Caris, qu'on retrouve dans Fast Life. Je coupe, j'emballe, je fais voir un Skyrock. Je coupe, j'emballe, je bibi. La guerre, poto. J'emballe, je bibi. Je suis un mauvais garçon comme Didi. Je coupe, j'emballe, je bibi. Je coupe, j'emballe, je bibi. Je coupe, j'emballe, je bibi. Je suis un mauvais garçon comme Didi. C'est la mienne que je suis pète-pète. C'est la mienne que je suis pète-pète. C'est la mienne que je suis pète-pète. Je suis de toutes les fêtes, je suis dans toutes les têtes. C'est la mienne que je suis pète-pète. C'est la mienne que je suis pète-pète. C'est la mienne que je suis pète-pète. Je suis de toutes les fêtes, je suis dans toutes. Tous les chiens reconnaissent ma voix. Chers sur la laisse et ils aboient. On peut te fumer sans faire de faim. pas toi. Démarre au siroc, j'bois pas de agua. J'reviens avec l'almanach, j'fume l'asphalte coupé à l'ammoniaque. Double AHEC, grosse niaque. Attaque à cette grosse niaque. Mon esprit ne pense qu'au deuil. De speech, j'te porte l'œil. J'peux te faire sauter le gustry juste en soulevant le portefeuille. J'me rapproche, j'suis sur les nerfs. Tu t'accroches à l'imaginaire. Ouais, l'ancien, tu connais le rap aussi bien que ta poche urinaire. Mon son est sur 10 heures. Ton front est dans le viseur. Le produit est dans le mixeur. Rien ne change à part freezer. L'industrie, je vais la faire kiffer juste en lui mettant une petite main. Je les fais tous flipper, je leur mets plus profond dans le petit bain. Hacker avec ma flottie, à checker pour les rôtis. Ok, on sort des taudis, mais y'a rien à faire, on est maudit. Le globe se réchauffe jusqu'au déchel. Tout ce qui nous cache, on le décèle. L'auréole est sous les aisselles. Le cœur est sec comme l'œil du dégel. Je prends du terrain, je le grignote. Comme Hugo Lloris, je pivote. Je sais exactement où les atteindre. Ils ont le clitoris qui clignote. De la place dans le sac mortuaire. Étranger clip lunaire. Savent même plus quoi faire. Dès qu'ils ont peur du noir et de la lumière. Ma haine, je la sème. À la peine, la denne. Ta peine, je la ken. Pas de thème, pas de game. Mon pleur a fait disjoncter le soleil. Apparaître une grosse glace d'oseille. Pareil tu jacques te faire disparaître dans un cul-de-sac. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je suis un mauvais garçon comme Didi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je suis un mauvais garçon comme Didi. C'est la mienne que tu pépètes. C'est la mienne que tu pépètes. C'est la mienne que tu pépètes. Je suis de toutes les fesses, je suis dans toutes les têtes. C'est la mienne que tu pépètes. C'est la mienne que tu pépètes. C'est la mienne que tu pépètes. Je suis dans toutes les fesses, je suis dans toutes les têtes. Chitogramme, vis ton crâne. Tête de mort sur le pictogramme. T'es pas d'accord, ma plus grosse lame se ferait un passage dans ton programme. Je suis pas là pour m'excuser. Je te le dis centimes couvertement. Tes conseils de merde, va les expulser dans une clinique d'avortement. T'es même plus sur de l'époque. Je suis dans le futur, je te fuck. Fuck le doigt sur la gâchette du god jusqu'à la rupture de stock. Stock le bruit, ne fais pas la guerre, négro. Tu ne fais pas l'affaire, négro. Je déverse tonnes de meusper et je t'éteins comme un canadaire. Diable sous la table, je suis au four, je fais le Mac. Diable sous la table, comme la tour du Mac. Je pilote tes seufs claques, trouve mes douilles même dans les bacs. Ilotier, keuf, bat, bouffe mes couilles comme œuf de pâte. De terre, ma team a la capacité de te faire taire. Jamais ne sous-estime la rapacité de l'adversaire à ta race. Regarde qu'on peut lui faire faire, on tabasse. Deux de cette ZR pire que le Hamas. Clique sur le terre-terre, pépère, on amasse, on ramasse, on arrache, kamasse, famasse, calasse. Double A, a.k.a. Orochimaru. 458 Italia, Ron, si tu veux finir sous ma roue. J'baisse les bleus dans la Subaru. Grosse queue de loup-garou. Meurs, vite. Sans faire de pli, j'fais pas de tri. Me demande pas ce que j'suis venu faire. Souviens-toi d'Olifide. Moi, quand j'paye, bitch, c'est pour les trois orifices. Je crame de la 8, j't'ai chaud. Trop de grammes par litre de sang. Fais gaffe à la finition et au comportement de mes munitions. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. J'suis un mauvais garçon comme Didi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. Je coupe, j'en bats les jeux bibi. J'suis un mauvais garçon comme Didi. C'est la mienne que tu pépètes. C'est la mienne que tu pépètes. C'est la mienne que tu pépètes. J'suis de toutes les fêtes, j'suis dans toutes les têtes. C'est la mienne que tu pépètes. C'est la mienne que tu pètes pète. C'est la mienne que tu pètes pète. Je suis de toutes les fêtes, je suis dans toutes les têtes. De cette des deux héros poteau. À la Caris qui est passée durant cette saison 2013-2014 qu'on écoutait avec Jbibi. Caris qu'on retrouve dans le film de Thomas, ouais, qui sort demain, Fast Life, à pas louper. Caris, tu le voulais dans le film, c'est... Ouais, je voulais un... Au départ, j'écris pour un rappeur X, c'est-à-dire je ne savais pas pour qui j'écrivais. Et puis quand je l'ai vu, en fait, j'ai découvert, comme beaucoup de gens sur Kalash, je me suis intéressé un peu à son cas, parce qu'il avait une identité. Je trouvais que c'était quand même important, parce qu'on parle souvent, tu sais, des rappeurs américains qui passent au cinéma, mais parce que justement, il y en a qui ont du charisme à la base, des mecs comme Ice Cube, Ice-T, c'est des gens qui étaient limite des comédiens déjà. LL Cool J. Exactement, et quand j'ai vu, voilà, Caris, je me suis dit, tiens, il a quelque chose, je l'ai rencontré, puis ça l'a fait tranquillement. Il était un peu frileux au début, parce qu'il allait sortir son album, il voulait pas tout mélanger, et puis on a discuté, et puis on a trouvé un bon compromis. Voilà, aujourd'hui il est dans le film. Donc toi t'es content ? Je suis totalement content parce que franchement c'est une bonne rencontre quoi. Et puis une bonne rencontre loin des clichés quoi. Tu vois, on était pas dans, on était dans d'autres rapports que ceux du code rap entre guillemets. On était dans des rapports humains. Après, je suis très respectueux de l'univers du rap. Hein, sinon de manière je serais pas là. Mais en même temps, ça faisait du bien de voir un mec qui faisait pas le rappeur quoi face à moi, qui me parlait normalement. En même temps, c'est vrai que toi, t'en mets souvent, même parfois d'ailleurs dans tes one man, ce que t'as fait, toujours des petits. C'est ma culture. Ouais, c'est ça, c'est ma culture. Moi, j'ai grandi totalement avec. T'as grandi avec qui toi comme son? C'est quoi les tout premiers souvenirs rapologiques? C'est Rap Attitude quoi. Ouais. Donc. Ah putain, t'es si vieux que ça. Ah bah ouais. Donc non, mais j'étais tout jeune. Ah oui, c'est mon grand frère qui m'initie à ces trucs là. Donc voilà. Rap Attitude, je vais rappeler aussi pour les plus jeunes peut-être qui nous écoutent, c'est la première compile officielle de rap français. Exactement. Qui est sorti au tout début des années 90. Exactement. Avant ça, on a enregistré comme tout le monde nos petits freestyles sur Radio Nova. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, voilà, t'es toujours amoureux de la musique que t'écoutais quand t'étais jeune. Et voilà, moi, jusqu'à aujourd'hui, je consomme du Caris, du Booba, du Niro, du Joke et tous ces trucs-là. Tu as rappé aussi dans ta chambre à une époque? Ouais, hein, dans ma chambre. Ouais. T'avais pas un blast, t'avais pas un truc? Non, parce que, en fait, je vais te dire un truc. Je vais même dire, moi, en fait, j'ai rappé à quasiment 7 ans, en fait. À 7 ans, je me suis mis dans le rap. Non, mais pour de vrai. Mais il m'est arrivé un drame. C'est-à-dire que j'ai écrit mon premier rap, c'était une reprise du morceau de NTM, Je Rappe. Tu vois? Bah, qui était sur la compil, justement. Rap Attitude, exactement. Et moi, j'ai repris ce morceau et j'étais un précurseur parce que j'ai fait un morceau qui s'appelait Je Pète. Et le problème, c'est que c'était mon premier morceau de rap que j'ai, voilà, j'ai transformé les paroles et ça existait pas tellement l'autodérision dans le rap, tout ça. Et je m'amusais, j'ai écrit ce morceau l'après-midi et tout, mais j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai laissé ce morceau sur la table de la salle à manger et mon père est tombé dessus. Aïe. Et il m'a rappé le morceau devant moi. Il me le disait en parlant, quoi. Donc, voilà. Je pète. Et ben, nous avons un extrait. Nous avons retrouvé la cassette. Cassette de ce morceau quand tu avais 7 ans. Tu rigoles, mais putain. Non, j'étais même pas. C'était une feuille. Je l'ai pas eu le temps d'enregistrer. Ah, t'as même pas eu le temps d'enregistrer. Non, merde. Non. Et c'est humiliant quand t'as 7 ans et ton père, il lit le truc. Il lit ton truc devant toi, comme ça, en te regardant dans les yeux, en disant, mais c'est quoi ton truc? Ah oui, donc c'est vraiment ça le souvenir. Ça m'a pété. Ça m'a pété à vie. J'ai plus jamais repris le mic. Bah, là, en même temps, tu retentes dans le film. Ouais, mais moi j'adore. En jouant ton personnage. Et d'ailleurs, le clip est fabuleux. Enfin, vous verrez dans le film parce que Il y a tout un visuel qui est fait. Il y a un clip qui est fait avec des mecs en scoot derrière. Ouais. Non, il était bien aussi d'ailleurs la partie derrière parce que je sais pas si. Si quand tu regardes le film, tu bloques sur ce qui se passe derrière. Non, mais c'est fait exprès. Moi, je bouffe tellement ces trucs-là et c'est ouf. Aujourd'hui, j'ai 35 piges, tu vois. Mais tu peux toujours me retrouver à regarder des sites un peu pourris, à regarder 2-3 vidéos de rap un peu amateur. C'est plus fort que moi, j'aime ça. Donc du coup, voilà, je m'inspire de cet univers, de mon univers. Et ben voilà, j'en fais. Des fois, il va jusqu'au cinéma et c'est plutôt agréable parce que tu vois des gens comme toi et d'autres savent de quoi je parle et ça les fait marrer. Bah il y a des super clins d'œil. En tout cas, c'est vrai que le clip que fait ton personnage que tu fais toi, d'ailleurs dans le film Fast Life, il est assez culte. D'ailleurs, j'espère qu'il sera dispo, qu'on pourra le trouver. je pense que d'ici peu de temps, il sera coupé. D'ici 24 heures. Voilà, 24 heures avec la technologie, ça va assez rapidement, quoi. Bon, on va revenir dans un instant, on va faire le blind test avec Thomas qui reste pendant une grosse dizaine de minutes, tu restes encore un petit peu avec lui. Oui, il y a le temps, tranquille. Parce que t'es pressé d'aller voir la fin de l'avant-première. Ouais, il y a l'avant-première et j'ai hâte d'aller revoir, il y a ma famille, il y a des gens, voilà, donc c'est important pour moi d'aller les saluer et de prendre un peu de plaisir. Tu restes d'ailleurs pendant les avant-premières ou t'as du mal là avec le film? Je rentre et sors de la salle, tu vois, je coupe, j'emballe et j'observe. Ouais, c'est vrai que ça devait être compliqué. Bah ouais, c'est pas toujours. Et puis tu sais, à un moment donné, tu connais tellement bien ton film que t'as pas envie d'être tout le temps dans la salle parce que tu vois que les défauts. Alors que le film, malgré tout, il a beaucoup de qualités, mais toi, voilà, on est dans un souci d'exigence. Donc à un moment donné, c'est pas bon pour le moral de tout le temps rester dans la salle. Bah vous inquiétez pas, en tout cas, quand vous allez voir, je pense que non seulement vous allez bien vous marrer, c'est vrai, je disais une partie touchante parce que ce personnage, même si évidemment il a cette exubérance, ce côté bling-bling, machin, etc., il y a un côté qui est super touchant chez lui. Il y a un côté où à un moment tu l'aimes bien ce personnage. Tu lui dis merde quoi. Bah moi, t'as envie d'être avec lui en disant attends mec. Moi bah oui, mais moi ce qui m'intéresse, voilà, surtout au cinéma, tu fais pas une heure et demie sur un horrible connard quoi. Tu vois, t'es obligé de mettre un peu d'humanité et c'est vrai que j'ai eu des bons professeurs à ce niveau-là parce que plus jeune, moi j'étais fan de mecs comme Pierre Richard, tout ça, des mecs qui étaient pas forcément exécrables dans les rôles qu'ils faisaient, mais c'était des mecs qui avaient toujours de l'humanité dans leur regard, dans leur jeu. Il y avait un truc vraiment touchant. Donc quelque part, je veux pas dire que je suis le fils de cette tradition, mais j'essaie de perpétuer cette tradition dans les personnages. Le grand blond, voilà, il y a les grands le grand Renoir maintenant. Le grand blond, la chèvre, le film préféré de mon ami Sandra. Voilà. Mais non, voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon, bougez pas, on revient dans un instant. Thomas Gijol, le film Fast Life, il sort demain. Allez voir le film vraiment avec, on le disait, il y a Carole Rocher, il y a Caris qui est dedans, Julien Boisselier, il y a Olivier Marchal et plein d'autres aussi. Et plein d'autres moins connus, mais tout aussi talentueux. Bougez pas, on revient juste après ça avec Thomas. Ils ont tous choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Fast Life, le film, il sort demain avec Thomas Gijol qui est là ce soir avec nous entre 20 et 21 pendant quelques minutes. Tu vas rester encore un petit peu avant de repartir. Pendant une bonne minute, on va. Pendant une grosse dizaine de minutes, tu vas le temps d'entendre le freestyle par téléphone, car tu le sais, dans l'émission, nous avons un freestyle par téléphone depuis des années. Ah bah ouais. J'ai jamais appelé, moi, j'ai jamais eu les couilles. Et en plus de ça, on tient à te remercier parce que tous les freestylers repartent avec un mini iPad grâce à Fast Life cette semaine. Ah, bah voilà, exactement. Ils vont pouvoir vivre rapidement cet été avec leur iPad. Ils vont pouvoir aller surfer rapidement. Aller voir le film sur l'iPad. Exactement, me télécharger rapidement. Voilà. On a le freestyle par téléphone. Bah tiens, on en parlait justement. C'est qui va repartir avec l'iPad? C'est Kéfir de Saint-Etienne. Comment ça va, Kéfir? Yeah, Frédérico, ça va? Ah, le mec sort les blazes, les dossiers, tu sais, les truc de l'époque. Je te présente Kéfir, en fait, cette semaine, comme on faisait aussi un best-of de la saison 2013-2014, on prend tous ceux qui, par téléphone, ont aussi déchiré durant cette saison, et Kéfir en fait partie. On fait partie. Kéfir, d'accord. Il est comme toi, il est gros fan de rap. D'accord. Enchanté, Kéfir. Yes, enchanté, Thomas. Thomas, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ah oui, c'est ça, oui, c'est, Thomas, ça a pas changé. Je me suis pas présenté. Thomas N. Gijol, sort un petit film demain. Le film, c'est Kéfir. Il s'appelle Fast Life, le film, Kéfir. Okay. Ok, nickel. Bah, écoute, je vais aller voir ça. En tout cas, j'ai vu le crocodile du boss manga et casse départ et je suis encore, j'ai un lumbago tellement j'ai été plié en quatre. Bah, écoute, merci de me suivre, de soutenir, merci mon ami. Et ben là, tu vas voir, en plus, ça va te plaire. Il y a aussi le côté esprit rap dedans aussi. Ouais. Même s'il y a de la caricature et qu'il faut savoir en rire. Justement. Bien sûr. Donc, je pense que ça, Kéfir, connaissant tes bons goûts, je pense que ça devrait te plaire. Ah, je pense aussi. Je pense, en tout cas, je suis très très très client de cet humour très subtil en plus. Merci, c'est gentil. On t'écoute rapper maintenant, Kéfir. Yes. Allez, session freestyle par téléphone, c'est parti. Yo, ok. Kéfir, yeah. Je ne pense pas avoir tort quand je dis que les gens sont bornés. Sous alcool, insultes, même celles qui les abordaient. Les pulsions font mentir, l'émotion nous trahit. Notre courage transpire lorsque la peur nous envahit. Que devient la bravoure, le respect, la modestie? Où sont passés les beaux discours que l'homme aime tant investir? J'interprète et retranscris ce monde à ma manière. Me fous ton origine, ton département, ta bannière. Je viens blesser ton orgueil et ta feuille par feuille. Car la vérité fâche et que les gens ne pensent qu'à leur gueule. Prends ce recueil, tu rengaines comme une remise en question. C'est tes pensées malsaines et tes stupides convictions. Alcool, drogue, chômage. Donc manque d'ambition, entraîne et me tente en lieu. Et là nous réagissons, sous ce grand ciel gris, ces maudits tours de béton. Fleurir une jeunesse à l'écart de vos pavillons. Je reste index, inter pour les miens. Je marche au pas, retiens bien que mon amitié ne se marchande pas. Dans le monde, je suis qu'une personne perdue dans la masse que l'hypocrisie perd fort. J'ai comme une sale impression que je suis constamment pressé. Même si mon but est imprécis, sur mon chemin des murs sont dressés. Quelques fois sont restés, d'autres ont mis les voiles. D'ailleurs je remercie ceux qui m'encouragent depuis l'école. Vos paroles restent gravées, tant que tu m'as bravé. Notre amitié, rien ni personne ne peut l'entraver. D'après mes proches, mes textes tournent autour des mêmes thèmes. J'écris ce que je pense tant que ma vie reste telle qu'elle. Mon seul problème est d'être en accord avec moi-même. Et tu drapes fort, dis-moi où tout ça m'amène. Je suis à la recherche de ma propre estime. Kéfir sur Skyrock et je rappe pour la team. C'est la dernière de la saison. J'arrive ici, MC, je rappe sans raison. Et je suis dédicace à Thomas, M. Gijol et Caris. Mon pote, je suis charismatique. Et j'espère un jour avoir mon bac carissière. Kéfir. Ok, Kéfir à l'instant, bon. Ouais, c'est très bon. C'est très, très bon. Tu mérites largement ce mini iPad, mini. Ouais. Je félicite la petite session en improvisation. Bravo, mon ami, bravo. Et ça t'a offert, par Thomas, justement, à l'occasion de la sortie du film Fast Life. Exactement. Merci, j'adore, parce que Thomas, je sais pas du tout si c'est dit avec humour. Mais tu sais, c'est ma grande force. Depuis que je suis petit, mon ami, je te confie un truc. À chaque fois que j'ai parlé, on me dit toujours, on sait jamais si c'est du lard ou du cochon, tu vois. Et ça me permet de voir très vite l'âme des gens, en fait. De voir les cons et de voir les intelligents. Mais je te le dis là, c'est sincère quand je te dis que c'était vraiment bien ce que t'as fait. Ouais, là, j'ai vu dans le regard l'étincelle. L'étincelle s'est allumée dans le regard. Ok, bah nickel, merci, je te remercie. Merci. Sinon, à toi. Pour ceux qui veulent me suivre, là je m'adresse à l'auditeur, c'est Kefir, K-E-F-Y-R, sur Facebook, K-E-F-Y-R. Voilà, merci à tous, merci Frédérico, merci à Fab, et je vous souhaite vraiment une belle année pour en septembre, qui commencera. Eh ben merci à toi Kefir, et tu reviens quand tu veux, dès la prochaine saison. Yes, avec plaisir. À plus, merci. Kefir. Ciao. Sur Skyrock avec nous. Avant de te laisser filer, Thomas, ouais. On fait ce petit blind test ou pas? Ah oui, non. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es bouillant? Bien sûr, bien sûr. Parce que là, on a été chercher très loin. Hein. Bah, allez chercher, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Céline de Paris, ça va bien, Céline? Ça va et toi, frère? Bah, écoute, en pleine forme, tu connais Thomas? Je connais Thomas. Coucou, frère, Thomas. Salut, Céline. Ça va bien, Céline? Très bien, ça va, mortel. Bon, est-ce que tu es calé? Allez, je suis calé. Tu n'as pas vu, par exemple, le film en avant-première? Pas encore. Pas encore. Ah là là, tu vas être obligé d'aller le voir demain. Ça aurait pu t'aider, il va falloir être très rapide. Attention les extraits, est-ce que t'es prêt Fab pour les extraits? Premier extrait, celui qui va le plus vite. Hein, bien sûr. Entre okay. Thomas et Céline. Docteur Expression Chef NW. C'est ça. Bravo. Ah. Ouais, bah tu peux dire que bravo, Céline. Je suis désolé, Céline. Là, c'est le cœur qui parle. Là, c'est le cœur qui parle. Et on peut dire, parce qu'il y a le personnage a un tatouage, justement, NWA. Exactement. Oui, en anglais. Niggas with Attitude. Voilà, le premier groupe de rap de Dr. Dre. Voilà. Et c'est vrai que. Ice Cube. Et ben, il y a une référence dans le film aussi. Enfin, même d'ailleurs, le personnage fait. Voilà, exactement. Parce que c'est un nigger with attitude. C'est des sous-textes, tout ça. Bon, Céline, attention, on va se reprendre tout de suite. Celui-ci, okay, je suis sûr que tu vas être très forte. Attention, deuxième extrait. Kalash, Booba. 50-50. Ça allait un partout, 50-50. Ouais, je suis obligé de lui avouer qu'elle a dit Booba, moi j'ai choisi le titre. Voilà, c'est ça. Bon, allez Céline, 50-50. Donc tout va se jouer sur ce dernier extrait. Ok. C'est le la dernier question. Extrait, c'est un blind test en trois extraits. Putain. Attention Céline. Je suis tendu. Thomas, je suis prêt. On y va. Bon courage les amis. Ah ouais. Ah merde. Attends, laisse-moi deux secondes. Hein. Oh là là. Oh là là, c'est des salauds les gars là. Tu devrais savoir. Toi tu devrais savoir. Dick Rivers. Voilà. Grain de merde. Dick Rivers. C'est Dick Rivers ou les chaussettes noires? Ou les chats sauvages, pardon. C'est Dick Rivers, je crois. Dick Rivers. C'est en solo. Ouais, en solo. Quand il a quitté les chats sauvages et qu'il s'est lancé dans sa carrière. Dick Rivers. C'est vrai que Céline, je pense que si tu étais venu jeudi, je pense qu'elle avait la réponse, elle avait les trois réponses. Exactement. Parce que tout ce qu'on a fait est autour du film, d'ailleurs, Fast Life. C'est vrai. À ta décharge, Céline, c'était un peu orienté pour que je devine tout, donc t'inquiète. C'est vrai, mais tu mérites largement, on va filer des. Un petit peu. On va filer des places pour aller voir. Oui, on va lui filer. Bien sûr. Super, merci beaucoup. Merci à toi, et Céline. On te fait un bisou, Céline. Bisous, Fred. Bisous, Thomas. Et alors, c'est vrai que merci, vous êtes géniaux. Merci. Pour tous ceux qui ont dû dire Dick Rivers, qui c'est ce mec-là, allez voir le film. Ouais, voilà. Vous allez comprendre, mais c'était bon de rappeler sa carrière parce que pour les plus jeunes d'entre nous qui vont voir le film, qui ne connaissent peut-être pas Dick Rivers, qui n'ont pas eu de parents rockers. Exactement, il y en a. C'est en fait le truc, c'est que Johnny a tout pris, quoi. Tu vois, Booba et Johnny, c'est un peu la même chose, quoi. C'est qu'ils prennent toute la lumière. Et il y a plein d'autres rockers en France, en dehors de Johnny Hallyday, des mecs comme Eddie Mitchell et des mecs comme Dick Rivers. Qui sont des légendes du rock. Mais il y a une filiation d'ailleurs, hein, c'est ce que tu dis dans le film entre Booba et Dick Rivers. Bah oui, parce que comme je dis, je le dis souvent, c'est que voilà, aujourd'hui nous on a grandi du moins avec cet univers hip-hop et que voilà, on est plus Jordan tout ça, mais à l'époque voilà, c'était le rock qui était la musique générationnelle avec les jeunes et ben ils avaient des blouses en noir, mais c'est la même rage, c'est la même identité. Donc il faut toujours être respectueux des anciens, pas les prendre pour des ploucs parce que plus tard nos enfants ils nous prendront pour des ploucs. Très bien. Alors, dans mon oreillette qui vient d'arriver, on me marque qu'il y a un dernier extrait, c'est ça? C'est un dernier extrait? Ah, c'est un extrait de toi, ce qui paraît tu rap. D'accord, vas-y, fais voir. Allez, attention, pour conclure là-dessus. Je rappe des hématomes. Ah! Je rappe tellement bien. Ah, bah oui. Je rappe. Tu sens que ça sent la tempête. Il est complètement fou, Kerry James. Hein. Mmh. Il est envoûté par un fantôme quand il rappe. Je rappe à la paix en attendant les balles bleues. Tu sais, il veut toujours faire la paix, il se bat toutes les années. Tu sais, il se bat. Ah, Alhamdoulilah. Voilà, à l'instant, ouais, c'est vrai. Ça, c'est un extrait du spectacle. Ouais, du spectacle. Où tu mets à chaque fois, oui, des petits ingrédients de rap. Voilà, de 2009 à Bloc, ouais. Et ça me fait plaisir d'ailleurs d'entendre, je ne m'attendais pas à ça, et voilà quoi. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Kerry James, qui est un ami que je connais personnellement. Et quand même, tu viens du 9-4 aussi. Exactement, je suis totalement affilié à la mafia Quinfri, moi d'ailleurs. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler aux plus jeunes. Dans le clip pour ceux, on peut te retrouver dans le clip. Non. Mais c'était une grande déception au fond de moi. Je disais, putain, j'aurais bien aimé y être quand même. Mais dans ce clip, mythique. Ouais, mais non, Kerry James, grand artiste, grand homme. Bon, est-ce qu'il y aura d'ailleurs un prochain spectacle, t'es-tu ou ouais, Thomas le prochain spectacle, il arrive à la rentrée en... Tiens, j'ai l'impression de parler d'une mixtape, comme il y a la musique derrière. Ouais, il y a pas mal de projets là qui arrivent, il y a un nouveau spectacle lourd qui arrive. Et prépare les dédicaces, parce qu'après tu finis obligatoirement pour des dédicaces. Le 14 octobre, mon nouveau spectacle appelé 2, Thomas & Dijol 2. Voilà, donc c'est mon nouveau spectacle au Théâtre de Jazet à Paris. Et je vais aller le rôder d'ailleurs dans 2 jours, je pars à Avignon un peu travailler tout ça et je vais être en tournée dans toute la France avant ça. Et puis il y a des projets et maintenant, mais il y a des choses qui se préparent et tout va bien. Et qu'est-ce qui t'a fait rire, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'à un moment, je veux dire, il y a une mixtape qui arrive. Ah oui, même, bah, et qui s'appelle Nique ta mère, qui tu vois, je sais pas, non, tu vois, c'est marrant, ça me rappelle, c'est marrant. Je suis à la place que j'écoutais, en fait. Tu vois, je me revois jeune, écouter des mecs qui disent, voilà, oh la street tape qui arrive. Voilà, il y a pas mal de petits projets avec DJ Scoopy, voilà, des mecs de Rouen et aussi les mecs vénères, très voilà, vénères. Voilà, et un crew d'Aubervilliers, les mangeurs sauteurs, voilà, ça avance. Lourd, on va rêver d'Ours en 2016, inchallah l'album il est là. Bon bah inchallah en tout cas par contre que le film cartonne, allez voir le film, c'est exactement. Fast Life, c'est demain. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et évidemment, on conclut forcément à Planète Rap par les dédicaces. Dédicaces. C'est ce que je te disais, donc t'es obligé d'en balancer mes pleins, pas dédicaces genre. Dédicaces à Maison Alfort. C'est voilà. La dédicace la plus importante dans un premier temps à tous les habitants de Maison Alfort et pas seulement de mon quartier. Dédicace à tous mes amis au Cameroun, toute ma famille au Cameroun. Dédicace à tous les Français. Paix dans le monde, surtout en ce moment parce que tout le monde ouvre ses fesses dans tous les sens. Mais vraiment les gars, calmez-vous sur les réseaux sociaux. Apaisez-vous, soyez tranquilles. Voilà, essayez d'être des bonnes personnes dans la vie. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, merci à tous. Qu'est-ce que je peux ajouter? Rien. Hein. C'était tellement beau, tellement magnifique. Ouais, mais c'est un sincère. Peu comme ton personnage. En plus, tu vois, il y a ce côté-là, voilà, très humain. Ouais, mais bon, on essaye, c'est important, surtout en ce moment. Ouais, surtout, mais t'as raison. Je sais que beaucoup de jeunes, justement, écoutent ça, donc il faut. Et que ça s'engraine vite, en plus. Exactement, donc voilà. C'est important. Ils envoient des messages, tout ça. Soyez en paix avec vous-même, essayez d'être des gens bien, c'est le plus important dans la vie. Merci Thomas d'être passé. Merci. Bon, on croise les doigts, hein. Demain, on croise les Fast doigts. Life. Voilà. Et venez nombreux au cinéma demain. C'est avec Thomas, c'est avec Carole Rocher, Julien Boisselier, avec Caris, avec exactement. Thérapie aussi qui joue un rôle un peu à Hitchcock, hein, on peut le dire. Ouais, il est de profil, il est pas mal. Voilà. Allez voir Thérapie, tiens, le producteur de Caris, pour tous ceux qui se demandent à quoi ressemble Thérapie, vous le verrez. Exactement. Dans le film de Thomas, et puis plein d'autres aussi. Plein d'autres. Venez Fast nombreux. Life. Demain, merci Thomas. Merci Fred, c'est merci cool de t'avoir. Merci beaucoup, à bientôt les amis. À bientôt, et bah tiens, on va mettre un petit Caris qui est passé aussi durant cette saison 2013-2014 avec le morceau sombre qu'il avait fait en live dans Planète Rap. C'est 0 pour toi. Caris. Sors mon cul noir de mon putain de pieu que pour prendre du bif. Je nettoie la rap mais pour l'achat des MC, je crois que je vais mettre du sif. Je m'apprête à féconder l'instru est en période d'ovulation. Je baise le rap français que tout le monde retourne à ses occupations. Double A, thérapie, alléluia. Ça devient trop violent, y'a trop de sang même pour Caligula. Fin de la récré, où sont ces PD, je leur ouvre le front à l'épée. Sont dans des WC, font un AVC, selon la FP, Mazik, les soignent, accro les raclos, rejoignent ma cause. Salope, tu peux jouer avec ma queue, mais ne t'éloigne pas trop. Toxique comme la nicotine, on parle de mes decks sur les deux pôles, négro, qu'est-ce t'imagines, le flot de guillotine, c'est pour ça que t'as plus trop la tête sur les épaules. J'enquête comme Dick Tracy sur le bout de l'industrie, je viens prendre le gros lot. Ma bite grossit et rétrécit comme toi, bitch, elle fait le yo-yo. A chaque fois que t'ouvres ta sale gueule, j'ai le mort, je vais te refaire ton matricule. Tu pollues, je vais t'enfoncer dans la gorge, un filtre à particules. Drone sans pilote, je bombarde l'asphalte. Je suis dans la zone, je ne fais que mon métier. J'attrape le chrome, je ne vois que leur scalp. Regarde le trône, tu ne vois que mes pieds. Y'a plus de risques, c'est sûr que je les douille. Et sur ton rap du passé, y'a plus de rides que sur nos couilles. Elles sont dans mon filet en une seconde. On se porte le gilet par balle comme une commande. Oh, clic, ils ouvrent une bouteille à chaque fois qu'ils ferment le cercueil d'un flic. C'est sûr, j'attaque que pour les niquer. Suce-moi bien, je te rajoute des points sur ta carte de fidélité. 2-7-0 poteau. KAAK est à sa double. C'est vrai. Charisse. 21 tu peux pas test, poteau. Ni à la seconde, ni dans 10 ans. Ni dans ce monde, ni dans le suivant. T'es mon sparring par terre. Crois pas que t'es à mon niveau, poteau. KAAK est à sa double. 2-7-0 brave. Je fais ce que j'ai à faire et je trace. Le best-of Planète Rap 2013-2014. Si on reste dans le 9-4, on avait Thomas Njijol à l'instant avec Rof et Déterminé qu'il avait fait en live dans l'émission. Les équipes du 9-4 sont déterminées. Les Pocs de Grigny sont déterminés. Le lycée Evry, déterminé. Sinon c'est Corbeil, revient déterminé. Au Poche, la Courneuve, trop déterminé. Au Béa Épiné, Tanneuse, Bondy, Sevran, Honnête, déterminé. Montfermeil, revient déterminé. Les équipes du 7-7 sont déterminées. Rodal, 7-8, Ray, déterminé. Des 3-15, 19, 18, on vient de terminer. J'ai fait le tour de l'hexagone, de Jean-Maël Jaune. On m'a dit calme-toi, t'es trop carré pour une icône. Je suis responsable de mes actes, pas des agressions dans le trône. Yeah, respecte-nous, tu verras pas grandir tes mômes. Vos enfants sont bien viscères, on leur fait même des chromes. Ici personne ne chôme, y'a du boulot dans la zone. Comme mes entiers, on sait ce qu'on fait, même pété au rhum. Coupe placé au movie call, cuisine la voilà dans le hall. Si tu fais la manche, on t'en un gun, une cagoule. Rends visite au bijoutier et trace avant que les keufs déboulent. À la Bellec, en cassant la vitrine. ADN, adrénaline, la BRI n'est pas caline. Linga, linga, ling. 20 bouteilles, wahel. Pète leur corps sous les mêmes couleurs qu'à Safa Powell. Les équipes des Hauts-de-Seine sont déterminés. Pont-de-Sèvres, trop déterminés. Les guerriers de Nanterre, trop déterminés. Agnès et Gégène reviennent déterminés. Vénitieux, gros, déterminé. De Marseille, gros, déterminé. Grenoble et Toulouse, gros, déterminé. Mini, moi, mini, soir, on vient déterminé. Kalash, kalash. Kalash, kalash. Voilà, il veut Hulk. En compagnie de l'incroyable Hulk, mon équipe recrute que les mangeurs d'oursons. Et la lourdeur de mon son. Au-dessus du Jackson, du Hebs, hélicoptère. Pas besoin de baptême de l'air, non, on peut te monter en l'air. Fais tes thunes et profites-en. Ou nique ton père, ta mère. Comme tu le sens, y'a pas de galère, c'est la guerre. Repart en civière. Et nous en roue arrière. Ne tiens que sur un rail ou sur une barrette. Nous on a le beurre, l'argent du beurre et toutes les beurrettes. On t'arrête, perquiste et kilo de shit. T'en reviens pas comment mon pote Eric ressemble à un Schmitt. Ne me suce pas la bite d'un coup, on va te faire vomir. Traîne avec les petits plans, garde à vue, t'as pas où dormir. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous les fourgons, vous les bonbons, nous n'avons pas les mêmes voleurs. C'est pour mes Abdoulaye, mes Abdelmessi. Go fast, on a la coupe d'Espagne, eux la coupe à Ramzi. Y'a embrouille, on t'arrose avant que tu te mouilles. Là je fais pas les couilles, la rage fait les couilles. 5, 6 et 67, déterminé. Lille et Amiens, gros, déterminé. Guerrier de Bruxelles, gros, déterminé. Coupé, Tourcoing, on vient déterminé. Mes Rennais sont déterminés. Le camp est du Afro, déterminé. Bordeaux, gros, déterminé. Et déterminé. Mulhouse, gros, déterminé. Lausanne et Montréal, gros, déterminé. Comment il est, 9, 7, 4, déterminé. Matata, Matilina, revient. Je viens de terminer. Kalash, kalash, kalash, kalash. Amis, Nassim, salut. Richie sous bois, déterminé. Redouane. Neuf Lagarenne, déterminé. Tous les frères Ebs, déterminé. ROHZF, déterminé. Foulek Empire, déterminé. Malik Bentallah, déterminé. La deuxième fois que je le chante. Bah oui, j'ai vu. C'est pour ça qu'elle est trop belle. On a vu ça. Bah après, c'est du live aussi, hein. Ouais. Et puis, en plus, je pense qu'en concert, ça va, même si t'as un petit trou de temps en temps, il y a le public qui va suivre direct. Hein. Ouais, back. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Ça a dû t'arriver aussi en concert, parfois, d'avoir des petits moments. Ah, des fois, je fais exprès. Ah ouais? Je lâche le couplet, des fois. Je raconte ma vie, après, je reviens, je reprends. Non, tranquille. Pose le micro, il s'en va. Tranquille, c'est live. Merci de m'accueillir dans les locaux de Skyrock, Fred. Eh ben, je suis content de t'avoir dans ce Planet Rap, qui est ton premier Planet Rap. Qui est mon premier Planet Rap. Toute une semaine avec Ice MC qui est là avec nous. Aïe, aïe, aïe. J'espère que mes locaux, mes locaux vont être chauds. Cette semaine, elle est à nous. Toi, Hechtkoum. La fourche, la tour, la J. Passe au ghetto, c'est juste à côté. Toujours naturel et discret comme un litron de pur dans une Fiat Punto. Pico plaira, tout le monde sait plaira, n'importe quel puto. J'entends japper la jab, j'ai la paire de Yekoud Ahmad Jijad. Le même gauche-droite Aki que Tijani dans l'iris, la flamme du 7 et 5. Dégoûté de la race humaine, la vérité de ce globe se vomit. Frère, un homme averti en vaut deux. Un homme vertueux en vaut mille. Vestibule Arsenal sous la veste polaire, que des hagras, les rappeurs ont peur témoigner. Petit ne reste pas là, tu vas perdre tes molaires. Que des ahba à l'œil sur mon porte-monnaie. Et tant mis, non, moi je confondais les portes aux fenêtres. D'où c'est ma clientèle forte et mon air. Mieux vaut choisir un troll de train de vie que de rester planté devant les portes aux palières. Je me porte volontaire pour jeter les ordures. J'ai les voix sous drogue dure, tu posais par terre. Je sais qui sont mes altères. J'ai deux fois cette Voltaire. J'humilie tes artistes avec des involtures. J'arrive comme un cataclysme, pyramide de narcotiques sur la balance. Tempête de rage, cyclone d'argent sale. On a surfé sur une vague de violence. Je prends le lion par la crinière. Je partirai pas sans le magot. Bico nourrit ta pépinière au lieu de regarder mago. Ma gueule, je la baisse. Rien que je la baisse. Elle me caresse les pecs pendant que je fume de la zep. Si cette pute me trompe avec un autre bico, je ne la frapperai pas. Je ferai la boule à Z. Cousin, je veux reprendre la bastille aux deux spies pour qu'ils puissent me cibler. Mais plus de coco dans ton phaser donne plus de poux, je vois des flibustiers. Toujours pas aîné dans mon paquet. Frère, le temps c'est des plaquettes. Toujours pas de Cayenne dans mon parking. Mon son tourne de hall en discothèque. Toujours pas d'aîné, je suis pas ton petit. L'insomniaque ne fait pas de sieste. Toujours pas de rival dans la partie. Toujours malmené par mon faciès. Lève ton verre à la santé du Babico. Lève ton verre à la santé du Babico. La santé du Babico. La santé du Babico. Lève ton verre à la santé du Babico. Je ne crois qu'en celui qui a créé le séisme artificiel. Saucissonne le marionnettiste, petit pantin, serre-toi tes ficelles. Je ne compte plus les échimos et les flocons de coca sur mes esquimaux. 75 000, 17 kilos de pression dans la mâchoire, c'est le Babico. On t'en veut pour ta nationalité, ta couleur, ta croyance, ton état civil. Parle pas d'alignement galactique, de Nostradamus ou d'oracle civil. T'attends qu'un tape en prenne tes patins. Tu ne connais pas la race humaine, tout est monétaire. La vérité se cache à milieu sous les mers quand le diable submerge. Des fans à mobiliser, des rimes à rentabiliser. Ma devise est de voir les mythomanes se volatiliser. Par le président, les vénézuéliens. On se tape dans les keufs sur les Champs-Elysées. Yeah, hola. Hello, voulez-vous naviguer dans la ville de la coca? Bimbo cognac. Tello, c'est juste un Mr. Vidaloca. Bico, la France veut nous gauler. Elle a peur qu'on détourne un Boeing. Flashé sous flash de week, capuché dans un bolide. J'entends toc toc toc sur que c'est les 6 hours et les 6 o'clock. Motherfuck, fuck, fuck, trop de putes dans le game, je les baisse toutes. It's a gang bang style, wop wop wop wop wop. Pas aîné dans mon paquet. Frère, le temps c'est des plaquettes. Toujours pas de Cayenne dans mon parking. Mon son tourne de hall en discothèque. Toujours pas d'aîné, je suis pas ton petit. L'insomniaque ne fait pas de sieste. Toujours pas de rival dans ma partie. Toujours malmené par mon faciès. Lève ton verre à la santé du Babico. Lève ton verre à la santé du Babico. La santé du Babico, la santé du Babico. Lève ton verre à la santé du Babico, bitch. XV Barbare 7-5 pour tout le 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 7-8. Toutes les provinces, aïe aïe aïe, bitch. Merci à mes locaux, merci à mes locas. Le meilleur de cette saison 2013-2014, Ice MC, il est passé durant cette saison. On l'écoutait à l'instant, Lève ton verre sur Skyrock. Demain, il y aura évidemment la suite de ce Planet Rap, le meilleur de cette saison à réécouter. Et là, juste avant de se quitter, de retrouver la radio libre de Difool, c'est la roulette qui tourne. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50 euros de bon d'achat avec la crime. Et Marine de Dijon, ça va bien Marine? Ouais, ça va et toi Fred? En pleine forme? Ouais, nickel. Et bienvenue, tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ouais, ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok. Stop. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Oh, Marine. La totale. Arrête. Le DVD fiston, la tablette tactile Samsung 8 gigas. Et okay, bah, 50 euros offerts par la crime, c'est pour toi. Ah bah nickel, merci beaucoup. Je vais faire une petite dédicace. Vas-y, vas-y. Bah une dédicace à toute ma famille, à mon copain, puis bah à tous mes potes qui me reconnaîtront. Eh bah terrible, on te fait plein de bisous Marine. Merci, moi aussi. Passe une bonne soirée, le retour de Planet Rap c'est demain, 20h-21h. Le meilleur de cette saison 2013-2014. Et là, on va retrouver dans un instant, ne bougez pas, la spéciale de Difool sur Skyrock. Ce sera juste après ça.